verts pâturages, ces douces riches, Dieu conduit ses précieux enfants. La roue qui ravive les fatigués, Dieu conduit ses précieux enfants. Certains par les eaux ou par la vague, d'autres par le feu, et tous par le sang. Certains par les peines, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout au long des jours. Certains par les eaux, par les vagues, d'autres le feu, mais tous par le sang. Certains par la peine, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout au long des jours. Des fois sur les monts où les soleils brillent fort, Dieu conduit ses précieux enfants. Des fois dans la vallée au cœur de la nuit, Dieu conduit ses précieux enfants. Certains par les eaux, par les vagues, d'autres par le feu, mais tous par le sang. Certains par les peines, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout au long des jours. Qu'il nous arrive des peines que Satan s'oppose, Dieu conduit ses précieux enfants. Par la grâce, nous pouvons vaincre l'ennemi. Dieu conduit ses précieux. Oui, c'est Dieu qui te conduit. Certains par les eaux, il sait où il t'amène. D'autres par le feu, mais tous par le sang. Certains par les peines, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout au long des jours. Bien loin de la boue et bien loin de l'argile, Dieu conduit ses précieux enfants. Là-haut dans la gloire, au jour d'éternité, Dieu conduit ses précieux enfants. Pour certains par les eaux, par les vagues, d'autres par le feu, mais tous par le sang. Certains par les peines, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout au long des jours. Certains par les peines, d'autres par le feu, et tous par le toujours par le sang. Pendant pendant la nuit et tout au long du jour. Satan, comme nous préparons notre le sommeil tous par les sons. Satan par les peines et tu prends un pendant pendant la nuit et tout au long du jour. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, c'est pour nous un privilège que d'avoir du temps de prière. Dans la tranquillité de nos cœurs, de nous approcher du trône de miséricorde, le trône du Dieu vivant, le trône de sainteté et de gloire, où nous pouvons être secourus dans tous nos besoins. Car le roi qui siège sur ce trône, c'est Jéhovah Jireh, Dieu qui pour vous à tous les besoins, qui a le pouvoir de créer des choses, même là où le visible est limité, même là où l'audible est limité, même là où le palpable est limité, le sensationnel est limité, mais le surnaturel est fort. Dieu de gloire et de vérité, Dieu de la main, et la gloire soit rare, ni à toi. Roi qui prend soin de nos âmes, qui le conduit aux meilleurs horizons, qui le conduit de vérité en vérité, qui le édifie et le remplit de ce qu'il est mort. Tous nos prix, chacun pour sa part, visite nous Seigneur et pardonne nos péchés, nos fautes et erreurs. Pardonne-les-nous Seigneur au nom de Jésus-Christ par le sang précieux de la croix qui purifie et l'âme et le corps et l'esprit, qui nous rend agréable à Dieu et qui étouffe la colère de Dieu pour faire en sorte qu'il écoute notre petite voix. Exhorte que ta sainte présence enflamme nos cœurs. La sainte présence du Dieu vivant. Mettre des feux dans nos cœurs. Le feu divin qui consume le péché, consume la mondanité, consume l'exalité, consume toutes les immunités, toute forme d'incrédulité. Tu as le pouvoir d'y mettre fin, Seigneur. Nous venons pour devenir semblables à Christ. Ôte de nous tout ce qui n'est pas comme toi. Ôte la maladie même qui nous affaiblit. Tout ce que le diable essaye de coller à nous, que ce soit impatrié au nom de Jésus. Le souffle du vent vient au milieu de vous. Le souffle de la Pentecôte. Seigneur, souffle encore sur nous ce soir. Visite tes enfants. Répare l'onction. Et édifie toi-même. Au nom de Jésus-Christ, nous avons grandement besoin de toi. Oh Dieu, nos cœurs sont à toi. Allez, taille les Seigneurs à ton image. Donne la force nouvelle à chaque croyant. De sorte qu'en sortant d'ici, ça a été utile que j'y sois. Mon Père a laissé quelque chose encore. Dieu a été si bon à mon égard. Et je l'aimerai jusqu'au bout du chemin. Je m'attacherai à ses commandements. Je ne craindrai ni vague ni tempête. Mais je reste le soutien du Dieu immuable. La lumière éternelle qui conduit dans les ténèbres. Et qui nous sort de toutes les délicatesses, les angoisses, des inquiétudes, qui nous sort de nos malheurs. Alors que tout nous soit béni, et que ta grâce vienne à notre secours. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Ok. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vous l'aimez? Chacun de vous? Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Pas faire semblant, ou juste le dire, mais il faut aimer Dieu. Parce que la marche avec lui est une affaire d'amour. Si cet amour n'y est pas, tu n'auras ni force ni courage. Même pas de faire un petit pas. Vous serez bloqué jusque-là. Mais il faut l'amour divin dans le cœur. Et mon vrai Seigneur, nous avons une portion de la parole. Dans Jean chapitre 15, prenons le verset 5. Le 2 verset. Jean 15, verset 5 et 6. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Ngai moiti na solo bino bitape ye oyo awumeli kati na ngai lokola ngai na umeli kati na ye na kobota mbuma mingi nzambi bokoki kosala likambo longwa na ngai te sokonani akoumela kati na ngai te kobwaka okobwakama lokola itape mpe okokauka bato bakolokota yango mpe bakobwaka yango na moto mpe ekozikama. Ephésiens chapitre 4, bah, FSC, mukapo, le verset 4, après nous sortons pour prendre le verset 11 et 12. Ephésiens 4, bah, FSC, 4, mukapo, 11, 12. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillons nous asseoir maintenant. Vous qui êtes debout. Ok. C'est merveilleux de lire dans la sainte parole les bonnes choses de Dieu. Et la parole de Dieu est tellement riche et parfaite que chaque mot, s'il est bien considéré, nous fera du bien. S'il est bien médité, bien approfondi, bien examiné, bien compris, il ne peut que nous faire du bien. C'est une exhortation pour voir ce que Dieu a prévu pour nous. Dans son plan merveilleux, le plan du salut, à l'occasion de la soirée d'adoration, le moment de prière, voyez, qu'est-ce que Dieu a disposé pour nous? 5 ministères disposés et prédestinés par Dieu. 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Entendez bien ça. Perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et l'œuvre de l'édification du corps de Christ. Donc, 5 ministères pour perfectionner les saints et édifier le corps de Christ. Donc, la pensée d'exhortation est tirée de Ephésiens chapitre 4, verset 12, que nous venons de lire ici. En toute dernière possession, il est dit, verset 11 d'abord, et il a donné les saints. Comme apôtre, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, afin de faire confiance, clairement cité, chacun au pluriel, pour dire que Dieu en possède en assez, suffisamment selon son plan. Peut-être pas selon nous, mais selon lui, Dieu en a pour tout besoin, pour toute utilité. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Pour faire quoi? Pour le perfectionnement des saints. Non pas le perfectionnement de l'église. Non pas le perfectionnement du corps, ne changez pas ça. Mais pour le perfectionnement des saints. Il s'agit du perfectionnement des saints. Et ce sera le perfectionnement des saints. Oh, les saints, ce sont les personnes qui ont été sanctifiées. Et pour être sanctifiées, il n'y a que la vérité du Seigneur qui peut le faire. Dieu établit le ministère pour le perfectionnement des saints. Mais il doit mettre d'abord les saints. Pour ensuite être perfectionné. Il doit être sanctifié. Et ensuite ils seront perfectionnés. Ça c'est le plan et la conception divine des choses. Si ce n'était pas le cas, il ne l'aurait pas écrit de cette manière-ci. Mais je pense exactement ce qu'il a dit. Surtout dans sa parole écrite. L'alignement des mots est parfait. Chaque mot est inspiré et à sa bonne place. Il a établi le ministère pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Alors quand vous prenez les saints, il n'y a que dans le corps de Christ. Il y a aussi des saints en dehors du côté. Parce que quelque sanctifié. Or la sanctification commence avant votre baptême du Saint-Esprit. Vous êtes justifié par la foi. Sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Seul vous introduit dans le corps de Christ. Mais vous pouvez être sanctifié différemment. Sans être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce possible? Vous pouvez être sanctifié, mais sans être baptisé du Saint-Esprit. Parce que les trois expériences sont distincts. Comme a dit 1 Jean 5, verset 10 et 7, il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'eau, le sang et l'esprit. Et les trois s'accordent en un. Les trois là. L'eau, le sang et l'esprit. L'eau, la justification par la parole. Par la foi dans la parole. Le sang, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Qui vous rend capable d'obéir à la parole. Qui ôte de votre cœur les désirs du péché. Qui ôte de votre esprit les désirs du péché. Et met vos pensées dans l'ordre de la sainteté. C'est le sang de Jésus-Christ qui fait ça. Mais il vous faut passer par le baptême du Saint-Esprit pour entrer dans le corps de Christ. Amen. Maintenant, les saints qui sont en dehors, ce sont les saints qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Mais si le sang de Jésus a déjà agi sur eux, ils sont déjà saints devant Dieu. Mais quand Paul a écrit aux Ephésiens, il a écrit dans Ephésiens 1 verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, Paul tombe, la volonté de Dieu, la lettre par les saints, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc l'épître est adressé aux saints qui étaient à Éphèse. Les saints qui étaient à Éphèse. Et aux fidèles frères qui sont déjà en Christ. Donc, l'épître même ne s'adresse pas que à ceux qui sont déjà en Christ. Mais il est destiné aux saints, aux sanctifiés qui étaient dans la ville de fête. Qui sont dans la ville de fête. Parmi les saints sont dans le corps, les autres sont en dehors du corps. Mais lorsqu'il est parlé de fidèles frères en Christ, là il s'agit que de ceux qui sont baptisés. Ils sont déjà passés par la justification. Et par la sanctification et par le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde comprend? Et vous aimez cette vérité? Et Dieu soit loué pour ça. Le pitre est adressé aux saints qui sont à Éphèse. Éphèse n'était pas le corps de Christ. Éphèse était le nom de la ville. Pareillement comme Kinshasa est le nom d'une ville là où vous habitez, où vous êtes maintenant. Mais lorsqu'il est parlé de fidèles en Christ, il n'y a qu'une seule chose qui vous fera entrer en Christ. Par un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est clair et clair. C'est clair pour tout le monde. J'espère bien. J'espère que c'est clair. Alors, maintenant, Dieu établit 5 ministères pour perfectionner les saints, rendre parfait ceux qui sont sanctifiés. Perfectionner les saints. Rendre parfait. Or, les saints qui sont en dehors du corps de Christ ne peuvent jamais devenir parfaits. Avant d'être entré d'abord dans le corps de Christ et d'y subir la maturité. Est-ce que vous y êtes? Tant que vous êtes en dehors, vous êtes encore un peu comme sur un cric. Donc votre expérience peut tomber calique. Vous pouvez rétrograder et ne plus revenir. Il vous faut avancer jusqu'au matin, Monsieur l'Esprit, et être cessé dans le corps. Recevoir les sceaux de Dieu qui est la sécurité éternelle pour votre âme. Mais le ministère sont établis pour perfectionner le saint. En vue de l'œuvre du ministère. Bon, 5 ministères, mais ils visent le perfectionnement des saints. Regardez la chaîne. Je vais faire comme ça. Et quand les saints sont perfectionnés, cela doit entraîner l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère est l'œuvre merveilleuse. Et aussi l'œuvre de l'édification du corps de Christ. Tout cela, c'est l'impact et le résultat du ministère de la parole. Perfectionner d'abord le saint. Donc si un saint n'a pas encore le soin du Saint-Esprit, la parole à travers le ministère doit le pousser à l'expérience. Doit l'amener à l'école de Christ. Parce que tant qu'il est en dehors du corps, il est en insécurité. Il peut rétrograder, tu as perdu. Mais il doit accéder au champ de Dieu. Êtes-vous là? Amen. Ne traînez pas trop dehors. Le Seigneur dans chacun était trop clair pour moi. On a lu le verset 5 et 6. Dit, je suis le chef. Vous êtes les serments. C'est vrai. Toute branche qui est connectée au chef, elle porterait des fruits. Où est-ce qu'il est venu? Jean 15. Verset 5. Je suis le fait, vous êtes les serments. Celui qui demeure à moi, au-dedans, à l'intérieur de mon Christ. Et en qui je demeure. Pour que toi tu sois en Christ, que Christ soit en toi, il n'y a qu'une seule condition, c'est le sceau de Dieu. Je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit tout court, mais le sceau de Dieu. Le sceau, le scellement de l'âme. Le sceau. Absolument une option. Mais l'enseignement de l'âme. Cela fait que Christ est en toi. Et toi, tu es en Christ. Alors, celui qui demeure à moi. Et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Car la loi, vous ne pouvez rien faire. C'est après cette vérité biblique. C'est lui qui a le sceau de Dieu, mais peut-être ni stérile, ni improductif. Il doit rendre le fruit abondant. Il doit produire beaucoup de fruits. Il ne s'agit pas de choses éternelles, matérielles. Mais sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas être stérile et vous allez combattre. Non, non. Vous devez être productif. Et Seigneur, vous allez fécond. Au plan spirituel. Il y a des résultats obligatoires. Dieu en a disposé ici. Et sa parole ne faillira jamais. Elle demeurera vraie dans tous les prévoyants. Que celui qui entend dise amen. Ne trimballez pas dehors. Que là, il y a beaucoup de dangers, d'insécurité. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour faire quoi que ce soit. Cherchez d'abord le positionnement dans le corps. Revenez d'abord une partie de Christ. Recevez d'abord les choses de l'Esprit. Vous ne pouvez rien faire de bon avant d'être entré en esprit. Rien de bon. Vous ne pourrez pas. Vous devez d'abord arriver à cet endroit. Et la Rhodesia, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin, j'ai pris toujours, place-moi Seigneur, Dieu prie, relève-moi Seigneur, que je maintienne par la foi sur les plateaux des ciels. La plus haute plaine n'a jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu de tout. Je veux atteindre le sommet et voir lui là. Gloire de la Shekinah. Avant de voir le ciel, je prie. Seigneur, mène-moi au lieu de toi-même, lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je maintienne par la foi sur les plateaux des ciels à plus. Jamais, jamais trouvé. Laisse-moi, Seigneur, au lieu de On a bondé qu'on a l'école, mon cœur n'est faire point respect au potelle, là où l'incrédulité bat son plein. Et faire point respect. Il y en a qui sont à l'aise là-dedans. Moi, je prie du sang les lieux. Élève ton âme là. Ne la traîne pas dans les souillures du monde. Parce que Yoka Yoka et le Bilobé là. Parce que c'est la sécurité. Place-moi, Seigneur, au lieu. Est-ce que tu as chanté ce que tu crois? Tu chantes ce que tu aimes? Il y a un lieu plus haut là-bas. C'est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là que tu dois aspirer vivement te trouver. Pour faire quoi que tu sois de bon, il te faut parvenir dans mon château. C'est la seule zone sécurisée. Là où le salut de votre âme n'est pas hypothétique. Là où il est sûr et rassuré. Que Dieu te fasse cette grâce. C'est là ma prière aussi pour toi ce soir. Dans mon fond, vous ne pouvez rien faire de bon. Vous savez que des échecs et des choses à reprendre. Vous essayez de marcher et ça s'appouffe chaos. Il y a la main puissante du sauveur. Et ça, nous car il est fait, ce n'est pas des anges que Dieu vient au secours. Le temps précieux qui a coulé, l'évangile qui est prêché, ce n'est pas pour les anges, ni les bons, ni les mauvais. Tu peux le dire, je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas n'importe quoi. Je ne suis pas n'importe qui. Mais l'honneur divin, c'est pour moi qui crois. L'Écriture a dit, l'honneur, c'est pour vous qui croyez. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sur mon ancien état. C'est-à-dire le ministère pour le perfectionnement des saints. Qui va sanctifier? Dieu seul qui sanctifie. Donc c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici dans la salle. Il y a une source unique. Et il produit la seule limitation. Et c'est en Dieu qu'elle se trouve. Est-ce que vous là? Et il est aussi la source unique de la perfection. Croyez ça de tout votre cœur, mes amis. Il dit ceci. Alors, je vais lire une situation dans un moment ici. Non, c'est pas pour que vous voyez. Oh mon Dieu. Jean chapitre 1. Vous voyez, c'est comme ça. Lisons le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, vous qui n'avez pas le sceau de Dieu. C'est de vous qu'il s'agit ici. Homme ou femme, c'est de toi qu'il s'agit. Toi, si quelqu'un ne demeure pas à moi, l'insécurité là, il est jeté dehors. Hein? C'est comme un objet jeté à la poubelle. Oh, j'ai fréquenté l'église. J'ai prié beaucoup de fois. J'ai payé mes dîmes et mes offrandes. Et j'ai construit l'église. Et j'ai fait le tralala. J'ai mis les gens à l'hôtel. Dehors! Libanda! Tu dois entrer dans la zone sécurisée. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors. Comme le serment. Le cola. Et il sèche. Puis on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Oh, on ne pas n'importe quoi. Insécurité totale. Quand tu n'as pas la connaissance, il est en état d'insécurité permanente. Mon frère et ma soeur, prends ça au sérieux. Peut-être que c'est la dernière fois que tu entends la parole. Amen, et ça prend une fois. Et si tu devais mourir cette nuit, oh. Dans quel état vas-tu affronter l'au-delà? Si quelqu'un ne demeure pas à moi, vous continuez à traîner les pas. Vous allez courir la pêche. Vous vivez tout froid, indifférent, sans les sous de Dieu. Comme si c'est normal. Mais c'est normal. Mais pas le présent, il m'a le président dit qu'il y a une différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Donc vous voulez faire un bon qu'est-ce que Christ, vous voulez mon Christ, vous voulez rappeler chrétien tout court comme ça. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'avant d'être rempli du Saint-Esprit, vous n'êtes même pas vrai chrétien. Alors que tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit le disent maintenant. Dites, hein, je ne suis même pas encore chrétien. Toloba, sincèrement, Toloba, clairement. Allons-y. Si vous êtes poussé à chercher la chose. Allez chercher la sécurité pour ton âme. Marquez-le pas! Tu ne veux pas! Tu seras jeté dehors! N'importe quoi, va te ramasser. N'importe quoi, va te ramasser. Un magicien, peut te ramasser. Un politicien, peut te ramasser. Tu seras jeté au feu! Et tu brûleras! Voilà ton sort. Il faut entrer en lui. Obligatoirement être en lui. Nous disons amen. C'est là que certaines bizarreries prendront fin. Des choses inutiles. Les distances là et les bilovaloba. Le yoka yoka et n'importe quoi. Tout ça, ça va prendre fin. Nous sommes en lui. Dans question réponse numéro 3. Les 30 août 1964, la question 355. La question s'appuie sur l'écriture biblique d'Ephésiens 4, verset 11 au 15. Nous ce soir, nous avons juste deux versets. Le verset 11 et 12. Mais le frère qui a posé la question, il s'appuie sur Ephésiens 4, verset 11 à 13 pour questionner le prophète. Mon bien-aimé, concernant l'écriture de Ephésiens 4, 11 à 13. Suivez bien la question pour saisir les contours de la réponse. Est-ce que nous tous, le prophète dit voyons, est-ce que nous tous Allons-nous recevoir tout le perfectionnement des saints par les bandes? Les bandes du prophète. Les bandes de prédication enregistrées du prophète. C'est ça la question. Est-ce que nous pouvons allons-nous recevoir tous les perfectionnements par les bandes ou devrions-nous être ici où les dons de l'esprit opèrent ainsi que les différents ministères de l'église pour nous aider à atteindre la perfection? Nos cœurs ont crié toute la parole du Seigneur. Voilà la question. Est-ce que tout le perfectionnement nous le recevrons par les bandes? Où devrions-nous venir à l'église? Là où les différents dons opèrent. Les dons de l'esprit opèrent. Et les différents ministères opèrent là-bas. Vous nous aider à atteindre la perfection. Nous avons crié toute la parole du Seigneur. Dans la réponse. Probablement commencer par dire le frère vient de l'Oregon. Mais il dit, au paragraphe 219, deuxième partie. Après le petit commentaire identifiant le frère qui a posé la question. Réponse non. Abraham commence par dire non. Donc, pour essayer la question, vous devez vous demander, il a dit non à quoi? Je pense qu'il est en train de répondre à une question précise. Il dit non, et puis c'est un point. Le nom là se rapporte à quoi? Parce que la question a un double volet. Le premier volet, c'est de savoir si nous tous, nous allons recevoir tous les perfectionnements par les bandes. En écoutant les bandes, on peut aller à l'église, donc on peut aller à l'église, vous les bandes du professeur, tout ça, tous les perfectionnements viendront. Le deuxième volet consiste à demander ou bien à l'opposé de ça pour les gens qui nous veulent que les bandes, rien que les bandes, et néglige d'aller à l'église. Où faut-il venir à l'église? Là où les différents ministères opèrent. Et les dons de l'esprit opèrent. Pour aider à atteindre la perfection. C'est le deuxième volet. La réponse commence par non. Est-ce que ce nom-là, c'est par rapport à la sous-question, tu veux que tous les perfectionnements viennent par les bandes uniquement? Où est-ce le nom se rapporte au deuxième volet? Et pour avoir tous les perfectionnements, et non seulement un endroit à l'église, et que nous pouvons nous passer des bandes donc. Nous pouvons nous passer des bandes. Nous pouvons venir à l'église parce que là les dons opèrent. Tous les dons opèrent. Et les différents ministères opèrent. Et qui nous aident à atteindre la perfection. Est-ce que ces noms se réfèrent au premier volet? Ou au deuxième volet? Ou à tous les deux volets? C'est la question qu'il faut comprendre. Vous aurez tourné une page et fait l'exercice intellectuel. Il s'agit des affaires du Seigneur, nous devons méditer. La réponse commence par non. Il désire venir ici à l'église pour le perfectionnement. Non, point. Il le désire, donc ceux qui réfléchissent en posant cette question. Il désire venir ici à l'église pour le perfectionnement. Autrement dit, dans la compréhension des problèmes, la question du frère consiste à mettre de côté les bandes pour espérer recevoir le perfectionnement en venant à l'église. Est-ce que nous y sommes? Désir venir ici à l'église pour le perfectionnement. Voyez-vous, ici à l'église, nous avons communion les uns avec les autres. Communion. Donc venir à l'église pour atteindre le perfectionnement. Qu'est-ce que la Bible en fait? Venir à l'église pour devenir parfait. Même le passage qu'on a lu dans Ephésiens là. 4. Est-ce que ça veut dire que vous venez à l'église pour le perfectionnement? Venir à l'église. Vous avez l'expression. On ne parle même pas de ministère. Le frère a pris Ephésiens 4, mais sa question traite sur venir à l'église. Faut-il être sous le ministère ou espérer aller à l'église pour obtenir le perfectionnement? Mais c'est la sous-question qu'on va se poser. S'agit-il du fait d'aller à l'église pour avoir le perfectionnement ou bien d'être sous le ministère? Ouvrez vos oreilles. Avançons. Il désire venir ici à l'église pour le perfectionnement. Donc déjà vous pouvez voir que quand un prénom commence par dire non, et que la phrase est celle-là, c'est qu'il dit non à cette pensée ici. Qui consiste à venir à l'église pour avoir le perfectionnement. Et cela cadré avec des prédications de certaines dénominations qui disaient et répétaient aux gens, c'est tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre nom dans le registre de l'église et de fréquenter l'église. Tout ce que vous avez à faire. Est-ce que la Bible a dit que c'est tout ce qu'on a fait? On a présenté la bonne matière. Ici à l'église, nous avons communion les uns avec les autres. Mais suivez bien, mais le perfectionnement vient par la relation entre Dieu et nous. Et ça dit qu'on y a la boloka ni katikati na nzambe na biso. Perfectionnement vient par la relation entre Dieu et nous. Mon frère, ma soeur, tu vois l'importance de ta relation personnelle avec Dieu. Malgré le fait d'avoir une bonne église, malgré le fait d'écouter les bandes du prophète, malgré le fait de dire nous avons un ministère par nous, ta relation avec Dieu, c'est de là que se manifestera son perfectionnement. Je vous ai dit tantôt qu'il est la seule source de la sanctification de la perfection. Source unique. Que Dieu t'aide à voir clair. Ici à l'église, nous avons communion les uns avec les autres. Mais le perfectionnement vient par la relation entre Dieu et nous. C'est le sang de Christ qui nous perfectionne par le Saint-Esprit. C'est le sang de Christ. S'agit-il de Branham? Evan de Frank, Levi, Joseph Branham ici. Mettez tout ça de côté. Non, ça n'est pas dit. Voyez la vérité en face. Et que votre âme soit nourrie. Et ce n'est pas la vie faut également. Qu'elle soit édifiée et aidée. Et pour nous, on progresse sur le moment. Pour ne plus écouter n'importe quoi. Si tu ne t'es emballé par n'importe quel bavard. Non, non, non, non, non, non, non, non, les bilobéla, des gens des églises. Les bilobéla. Les hommes bilobéla, ils disent des histoires. Mais c'est le sang de Christ. Qui nous perfectionne. Paragraphe 220. Paragraphe 220. Maintenant, dans l'église, pour aborder l'aspect sur les dons qui opèrent dans l'église. Dans l'église, dit-il, il y a les dons en action. Maintenant, il parle du Branham Tabernacle. Si lui, dans sa question, il dit, il faut venir à l'église pour les dons opèrent. Au Branham Tabernacle, est-ce que tous les neuf dons de Corinthiens 12 étaient là dans l'église? Maintenant, nous n'avons pas beaucoup de dons en action ici. Parlant de l'église Branham Tabernacle. Dirigé par le prophète lui-même. Et ça, c'est le 30 août 1964. À peu près à une année et quatre mois avant sa mort. Une église vieille de plus de 30 ans. Écoutez, combien de dons de l'esprit de 1 Corinthiens 12 il y avait parmi eux? Nous n'avons pas beaucoup de dons en action ici. Mais nous en avons quelques-uns. Nous avons les dons de langue. Et les dons de prophétie. Deux ou trois d'entre eux. Pensez-y. Aller à l'église. Pour obtenir le perfectionnement. À travers l'opération des dons. Mais déjà tous les dons ne sont pas là. Il y en a qui manquaient. Malgré le grand ministère du prophète. La grande expérience de cette église. La vérité est rétablie. La vérité et la foi restaurée. Deux ou trois dons. Dons de langue. L'interprétation, les noms de prophétie, les noms de loi, et il a cité les noms dans la suite là. Les noms de quelques frères, il manifestait ces dons là, les dons qu'on aimait dans l'église. Pas les dons qui racontent des choses dans les couloirs. Ils étaient dans l'église, comme étant des dons. Ils étaient dans la route là-bas au couloir, on nous prenait. Moi j'ai eu le nom, c'est le don et tout ça. Vous parlez de votre publicité? Ici, venons à l'église. Deux ou trois à l'église. Tout ce qui se disait dans le couloir n'a pas l'église. Ils doivent être éprouvés à l'église. Et d'après la parole, il appelle donc. Ça maintenant l'église est concernée par ça. Et pourtant, dans le corps local de l'Église, le Brunham a enseigné que tous les dons devaient être là. Dans l'âge de l'Église de Smyrna, écoutez, il dit ceci, c'est prêché le 6 décembre 1960. Paragraphe 1920. Dieu n'a jamais voulu que l'Église soit dirigée par l'homme. C'est Dieu qui dirige son église. Et il la dirige au moyen des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit sont dans l'église pour corriger l'esprit. Il a établi 5 offices de ministère dans son église. Le premier, c'est celui des apôtres. Le missionnaire. Le missionnaire. L'apôtre. Comment? Est l'appel le plus élevé qui soit. L'appel le plus élevé qui soit. Le mot missionnaire signifie un envoyé. Le man, apôtre signifie un envoyé. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi d'être appelés missionnaires. Mais il y a moins, ce sont bien des apôtres. Bien, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, ce sont donc là les offices choisis par Dieu pour son église. Et cinq ministères la servent à quoi? Perfectionner les saints. Or le ministère c'est pas l'homme, mais c'est Dieu par l'homme. Mais si vous venez devant le ministère que pour un rôle protocolaire, un rôle folklorique, traditionnel, accoutumance, vous ne tirerez rien de tout ça. Il faut qu'au travers du ministère, vous soyez en réaction avec Dieu. Parce que Dieu a dit de ceux qui l'ont envoyé que celui qui vous écoute m'écoute. Et Jésus-Christ, notre divin modèle, a dit ceci. Jésus-Christ, en vérité, je vous l'ai dit. Je suis tout de mes paroles. Et celui qui m'a envoyé, il a cherché la vie éternelle. Il viendra pour un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Parce qu'à l'envoi, il est au travers de l'audition de paroles prêchées par un homme envoyé de Dieu. Vous êtes mis en connexion par la foi avec le Dieu qui a commandé la mission. Et c'est par votre relation avec Dieu que le perfectionnement viendra. Et Dieu a dit aux cieux de ce qu'il a envoyé, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Le fait de rejeter les envoyés de Dieu, alors que c'est Dieu qui les a envoyés, vous vous déconnectez de Dieu. Par conséquent, vous n'atteindrez pas la perfection. Votre perfectionnement ne viendra pas. A-t-il clair à voir déjà? Le perfectionnement vient par la relation avec Dieu. Quand vous rejetez les hommes envoyés de Dieu, vous rejetez Dieu lui-même. Vous continuerez à parler de Dieu, mais vous êtes déconnecté. Tu n'atteindras pas le perfectionnement. C'est impossible. Parce que ça ne va plus en relation avec Dieu. Quand les choses graves, comme les gens se perdent les yeux ouverts, en chantant la gloire du passé, rêvant de nous, ayez la semence de foi d'Abraham, ayez des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, un cœur qui comprend. C'est vrai. Alors, les cinq ministères, on a en vue de l'œuvre du ministère, on n'a pas le temps de parler de ça. L'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. Non pas l'édification de ça, mais l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ. Et il y a un seul corps. Un seul corps. Comme si vous avez été appelé à une seule espérance. Il y a un seul corps, un seul esprit. Et nous avons tous été appelés à une seule espérance. Comme on l'a dit dans le verset 4, verset 4. L'édification de ce corps-là, a pourvu cinq ministères. Et pour perfectionner le saint, Dieu a pourvu cinq ministères. Chacun d'eux vise ça. Chacun de ces ministères vise ça. Perfectionner les saints. édifier le corps. Quand on dit qu'il y a un seul corps, c'est seulement le tabernacle de Christ dans le monde entier. C'est le corps local. C'est le corps, c'est l'église corps de Christ. L'édification de ce corps-là ne peut jamais avoir lieu sans ces ministères. Il n'y a que des ministères véritablement établis par Dieu qui vont assurer l'édification du corps. La construction du corps. Que des parties soient mises ensemble, que le mur se lève, que l'édifice arrive à son achèvement. Mais c'est mais vous devez vous, en tant qu'individu, entrer d'abord dans ce corps. Qu'est-ce qui vous aidera à entrer dans ce corps? Un ministère. Il faut un ministère. Parce que quand on vous ajoutera, vous, dans le corps, individuellement, vous êtes une pierre qui s'ajoute à l'édifice. Sauf qu'il va commencer à dire, mais quand nous autres, on va aller dans la et va qui s'amener dans la masse. Et l'édification ne peut pas venir par des aventuriers. Mais pour nous, on va être dans la salle. Ah, oui, gaga, mais nous sommes dans la salle, mais quand la terre se compte dans la cala. Vous comptez dans la cala. C'est quoi ça? C'est pas possible. Et quand vous allez mettre. Oh, yaga, gaga, l'oba, yes, pas dans colo, yes, pas dans colo. Ils sont mobiles, c'est là, gaga. Hé, au bout de la mathématique. Il était quoi, hein? Non, ouais. C'est comme j'ai vu une vidéo qui sillonnait. Ils ont payé un quartier là. Américain. Je dis, il ne faut jamais sous-estimer la puissance de Dieu. Le quartier là, Undertaker. Le quartier là, Undertaker. Un mauvais. Hein? L'entrepreneur de pompe funèbre. Il lève les adversaires et quoi la tête par terre. Pour casser le cou. Vous voyez? Et puis ils ont dit, il est devenu un chrétien né de nouveau. Ou il est allé dans une église, un pasteur priait pour lui, il est devenu un chrétien né de nouveau. Vous voyez les aventuriers? Mais suivez pas ces gens-là. Soyez attentifs à la vérité, frère. C'est terrible. Donc, pour qu'on vous prenne, qu'on vous mette dans le corps, c'est l'œuvre de l'édification. Et c'est le ministère qui est censé faire cela. Êtes-vous là? Alors, Dieu a donné apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Ce sont donc là les offices choisis par Dieu pour son église. Dans chaque église locale, il y a donc 9 dons spirituels qui se manifestent au milieu du peuple. Dans chaque quoi? Local. Il y a 9 dons. Mais chez lui-même, frère Branham, il y en avait combien? Deux ou trois d'entre eux. Le reste, c'était dans son ministère à lui. Il opérait à travers son ministère. Les dons de connaissance, le discernement, même des esprits. En plus du discernement des pensées qui étaient ministères, du fils de l'homme, voyez, il y a eu ces autres dons qui opéraient en lui, les dons de sagesse, qui lui ont permis de calculer le nombre de la bête. La Bible réclamait, c'est lui qui a la sagesse. Mais c'est par les dons de sagesse que Frère Branham a calculé ça. Voyez tout ça? Les dons de miracles, ça opérait? Les dons de guérison. Il avait les dons de guérison, non? Confirmé par l'ange qui est venu lui parler même d'ailleurs. Okay. Mais dans chaque église locale, il y a donc 9 dons spirituels. Et ça, c'est le meilleur pour le peuple. la connaissance, la sagesse, les dons de guérison, opérer des miracles, de parler en langue, l'interprétation de langue, et toutes ces choses se trouvent dans chaque corps local. Et chaque personne dans l'église a un ministère particulier. Et ce ministère opère en harmonie, pas en contradiction, en harmonie avec les autres ministères. Pour l'édification du corps de Jésus-Christ. Chaque personne dans notre nuance a un ministère particulier. Cette expression renvoie même à des dons que Frère Branham considère de manière générale comme étant aussi un ministère particulier. Parce que ministère, en tant que ministère, c'est un don qui dépend de l'appel. Mais les 9 dons d'un Corinthiens 12, hein, ne dépendent pas d'un appel de Dieu. Ce sont des manifestations de Dieu. Mais quand on s'y adonne avec beaucoup de sérieux et de consécration, Dieu peut vous utiliser pendant longtemps. C'est comme ce frère que Frère Brunan m'a cité là. Donc je parlais en langue, l'interprétation de langue. Ils ont été tellement sérieux et consacrés pendant des années et Dieu a pris l'habitude de les utiliser souvent pour cela. C'est ce que nous voulons même parmi nous ici. Pas juste des prophéties isolées. Quelqu'un qui un soir a donné la prophétie et des fois on se refroidit pour ne plus jamais rien espérer. Non. Mais vous pouvez arriver à faire une sorte de permanence avec ça. Et Dieu peut t'utiliser par le même canal souvent. Les dons de guérison, les dons de la foi, les dons de miracles, la parole de sagesse, parole de connaissance, de parler en langue, l'interprétation de langue, le discernement des esprits, ce sont des dons. Êtes-vous là? Et chacun a quelque chose. Vous n'êtes pas venu ici par hasard. Vous pouvez être négligent et rien ne se produira. Vous pouvez être très sérieusement et l'esprit se manifestera. Ok, maintenant vous êtes appelé à un ministère, là c'est un office établi. Office, c'est bureau. Un bureau. Donc apôtre, c'est un bureau. Prophète, un bureau. Docteur, un bureau. Et Dieu ne s'en répond pas. Il vous retire pas ça. Hier, oui, c'était mal le ministère. Et 5 ans après. Non, il n'a pas le ministère. Non. Quand Dieu en a donné, il ne peut pas le retirer. S'il y en a, c'est qu'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas. Ce sont les offices. Le bureau de travail. Dieu dit, je suis prédestiné à ça. Le travail que tu feras, c'est ça. Et ça reste comme ça. Alors, le problème m'a dit, mais qui aura la folie d'aller demander à Dieu? Pourquoi tu placé tel homme dans le ministère? Nous voyons qu'il ne croit pas comme nous. Pour identifier le ministère, ce n'est pas de croire comme vous. Votre base est mauvaise. Le ministère dépend de l'appel de Dieu. Et quiconque n'a pas de doctrine, n'a pas de ministère. Quiconque ne peut pas vivre l'évangile de sainteté que nous prêchons n'a pas de ministère. C'est ce qu'il dit. Et Dieu a choisi ces gens pour être modèle non seulement de prédication, mais aussi de vie de Dieu. Le prophète dit dans l'écran que le prédicateur est appelé non seulement à prêcher, mais aussi il est appelé à vivre ce qu'il prêche. Et si vous ne pouvez pas vivre ce que vous prêchez, arrêtez de prêcher. Arrêtez. Nous savons le dire. Arrêtez de prêcher. C'est Dieu qui établit des ministres. Sommes-nous là? Oh, comme c'est parfait. Dans les sermons, voici un plus grand que Salomon est ici. Prêché le 12 juin 1962, et chaque jour il y a des gens assis ici maintenant qui me regardent droit en face, avec qui j'ai eu un entretien ce matin, et qui savent que comment cela nécessite que l'Esprit de Dieu se meuve là-dedans. Et toutes ces fissures et coins dans la vie. Ceci, c'est la parole. Nous le croyons. Et ça, c'est la parole. Mais Dieu établit dans l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Et tous ces ministères pour le perfectionnement. Et maintenant, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes, ce sont eux qui apportent la parole. Et les prophètes doivent passer les choses au païen. Les prophètes, eux, ils passent les choses au plein fin. Dans ce petit coin pour les individus. Et annoncer les choses à venir. Pas seulement porter la parole, mais passons les choses au plein fin. Dans ce petit coin pour les individus. Eh bien, en réalité, les apôtres sont des missionnaires. Et je crois maintenant, mon instruction est très limitée. Je pense que le mot apôtre signifie un envoyé. Le mot missionnaire ne signifie-t-il pas la même chose? Un envoyé. Alors, comment donc a-t-on désiré être appelé missionnaire plutôt qu'un apôtre? Je ne sais pas. Mais l'un ou l'autre sont corrects aussi longtemps que le Seigneur les a envoyés. Et maintenant, je ne prendrai pas beaucoup de temps ici pour le service de baptême après. Vous voyez, frère, c'est exactement ça. Tant que ce sont les envoyés de Dieu, ce sont les apôtres. Que Dieu soit béni. Alors, je termine ici dans la preuve infaillible de la résurrection. La preuve infaillible de la résurrection. Un commentaire sur le sept. Jean chapitre 15. Deuxième partie du paragraphe 81. Et de là, on va jusqu'au paragraphe 83. Eh bien, quand il est parti, il a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je serai avec vous. Jusqu'à la fin du monde. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est ressuscité d'entre les morts, comme nous l'affirmons, et que nous le croyons, il est tenu à sa parole. Je suis tenu à ma parole. Je ne vaux pas plus que ma parole. Et vous ne valez pas plus que votre parole. Et Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Ceci la Bible. Et soit la vérité, soit une erreur. Et si Dieu a promis dans sa Bible, Jésus-Christ sera le même hier, aujourd'hui, éternellement, soit la vérité, soit par le pas. Et je crois qu'il est monté en haut. Donc, corporel est passé dans la présence de Dieu, le Père, ce soir, à la droite de la majesté divine. Voyez-vous ça? Le corps là est là-bas. Et le Saint-Esprit qui est en Christ. Et dans l'église. Et dans la quatre Ecclesia. Il est le cercle. C'est-à-dire, c'est lui qui donne l'énergie. Et il dit que le bas, oh, et vous êtes les charmants. Il n'a d'autre bout ce soir sur terre que la vôtre. Pas d'autres yeux que le vôtre. Vous êtes les charmants. Ce n'est pas le sceptre qui porte le prix. C'est le serment qui porte le prix. Le sceptre ne fait que donner la vie. Est-ce vrai? Maintenant, ceci est le don divin. Je n'ai rien du tout à faire avec cela. Je ne sais même pas s'il fera cela. Il a 5 différents dons. Il a placé dans l'église. Et je suis en désaccord avec votre théologie. De vous imposer les mains les uns aux autres. Et de mettre celui-ci à l'écart. Et celui-là à l'écart. Donner à celui-ci des dons. Car l'imposition des mains. Vous voyez ça? Il y a des églises qui font des choses comme ça. De la manipulation. Comme le pasteur regarde le frère François, le pasteur Atalien de Kofansa, je vois qu'il a les dons de parler là. Mon il va Dieu manifeste les dons souverainement. Il y a que les gens ne veulent pas attendre. Ils ne veulent pas s'attendre à Dieu, mais ils veulent fabriquer même les dons. Dans notre église de Dieu, nous ne fabriquerons aucun don. Mais quel est le message de la commission de la Nicabocoté? Nous n'en fabriquerons aucun frère. La commission de la Tambocoté. Oh pasteur, c'est comme ça. Mouillé, ils allaient, fonctionnent, ils allaient. Ne vous pas l'ami. Ne nous tentez pas, parce que nous tomberons pas la parole. Nous nous attellerons à la parole. Nous faisons le modèle dans le bas. Attends, mais que nous n'avons rien. Mais nous savons ce que nous possédons. Il a tout créé. Et ce que Satan le Seigneur renouvelle leur force. Vous qui fabriquez des choses, vous ne faites que vous affaiblir et vous amoucirez davantage. Attendez-vous à Dieu, cher qui va nous. Oh, mais tu dois former les jeunes prédicateurs. Même des gens sans appel, on va les former. C'est quoi ça? C'est Dieu qui donne des dons. Les dons et les appels sont sans répentir. Et ce n'est pas du tout l'enseignement baptiste là, là. Et l'enseignement biblique. Vivez, premièrement, il y a les apôtres. Oui, le meilleur mot, missionnaire, le missionnaire. Les apôtres veut dire un envoyé. Un missionnaire est un envoyé. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs les placent dans l'église pour l'édification de l'église. Et ce sont des dons, des esprits au service envoyé de la présence de Dieu pour exercer un ministère dans chaque office de Dieu. Les apôtres. les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes, c'est Dieu qui les place dans l'église. Pourquoi? Pour l'édification de l'église. Du corps, l'église. Et ce sont des dons. Ils sont des esprits en service. Envoyé de la présence de Dieu. Et vous comprenez par là qu'ils vous amèneront dans la présence de Dieu. Donc on se fait le nom de la tête. Ils ont été envoyés de la présence de Dieu. Pour exercer un ministère. Dans chaque office de Dieu. Ce sont des esprits en service. Ne voyez pas le corps charnel de l'homme. La vie familiale de l'homme. Mais regardez l'esprit en service. Qui a été envoyé de la présence de Dieu. Et qui vous apporte la parole pour susciter la relation avec Dieu et entretenir votre relation avec Dieu. Et en travaillant sur cette relation, ils veulent que vous atteigniez la perfection. Parce que le perfectionnement vient par votre relation avec Dieu. Moyennant le sang de Christ et l'Esprit de Dieu. C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Alors, j'aimerais demander à chaque frère, chaque soeur, comment ça va avec Dieu? Mais tout le monde n'a pas répondu. Frère, soeur, chacun de vous. Comment ça va avec Dieu? Ok, que Dieu vous bénisse. Pensez-y, vous allez sortir avec la réponse à cette question. Vous ne pouvez pas répondre. Vous demandez comment ça va avec Dieu. Maintenant, vous êtes venu silencieux. Pourtant, nous venons de travailler sur votre relation avec Dieu. Nous sommes venus de travailler. On vient de travailler au moyen de l'exhortation qui est donnée ici. Pour que par cette relation, si elle est merveilleuse, si elle est magnifique, elle est performante, vous puissiez obtenir le perfectionnement. Quel que soit le niveau de votre marche, un saint débutant, un saint modéré, un saint à moitié évolué, un saint qui a achevé la sanctification et qui attend le sceau de Dieu, nous voulons votre perfectionnement. Moi je le veux. Ne regarde pas la bouche qui parle. Mais l'esprit en service. Qui est envoyé de la présence de Dieu. Pour accomplir l'office. Le ministère dans l'office. C'est à ton profit, à ton bénéfice. Tu es un héritier des choses et des dieux. Un bénéficiaire de bénédictions rédemptrices. Qui ont coulé au calvaire. Nous sommes ici pour les annoncer. Et vous dire, c'est à vous. Et voilà à la fois chacun doit se servir. Mangez à sa faim. Faire-toi à volonté. Salamandre. Si tu as soif, viens boire. Si tu as faim, mange la volonté. Dans la maison de ton père, il y a tout ce qu'il faut. Ne t'inquiète plus. Ne te soucie de rien, mais attends-toi au Seigneur ton Dieu. Levons-nous pour la prière. Il y a un pays au-delà des étoiles. Amen. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. À la cité où l'agneau est la lumière, dans cette cité où l'agneau est la lumière, cité où il n'y a point de nuit, c'est un beau palais là où elle est belle des saucées. Je m'en irai au lagnon, elle a le mien. Ici nous sommes éclairs, mais nous savons que c'est soleil qui lui sert nous maintenant. C'est changera un nuage quand nous irons à la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'aime parler là-haut. Et libéré des soucis, je m'en irai au lagneau et la lumière. Là, la fleur s'épanouit toujours et les jours. Sera un jour éternel, le point de nuit. Nos larmes seront essuyées à jamais. C'est la vérité, Dieu le fera seul. Dans la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a pas de mots. Ça va, j'aime beau parler là-haut. Elle est belle et destroncée. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Ici nous avons toujours de frustrations. Et nos espoirs rencontrent les déceptions. Ici nous plairons, là-bas sera la joie. Que le soleil faiblisse, qu'il y ait la nuit. Mon cœur bienheureux n'a peur d'aucun ombrage. Car je sais que là au ciel j'ai une alléluia. Oh oui, dans cette été où l'agneau est la lumière. Oh, dans cette été où l'agneau est la lumière. Oh, amen, cette été où il n'y a point de nuit. Je ne veux pas aller là-haut et libérer des sorciers. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Oh, cette cité où il n'y a point de nuit, mon sauveur. Nous aimons parler là-haut et libérer des sorciers. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Prions chacun maintenant. Tout le monde est là, mon frère, ça Zali kuna ngalola, boka oye butunde ezali te, soki tunde mitoko kende kuna, boka oye mpate azali pole, boka oye mpate azali pole. Boka oyo botu ezali te, ndako na ngai ezali soki nasikolami, nde nakei kuna mpate ye pole. Awa tongengisami nde toyebi, ete moyi engengisi sikawa. Eko bonga mapata wana toke, boka oyo mpate azali pole, boka oyo mpate azali pole, boka oyo butu ezali te, Dakonanga yezali, soke na sekolami, bena ke ikonan pate yepole. Kuna falolo mingi pe mokolo. Eko zala seko atabo tote. Kisoli eko pango sama libela. Boka oyon pate azali pole. Boka oyon pate azali pole. Boka oyon botu ezali pe. Mampati nakonanga yezali. Toke nasi kolame. Bena ke iku nampate ye pole. Awa to sepeli ata mokete. Eli kena biso ete melami. Awa kolela na lola esengo. Boka oyon pate azali pole. Boka oyon pate azali pole. Baka awa botu ezali pe. Baka nanga yezali. Soke nasi kolame. Denake iku nampate yepole. Moi ezi mama to botu eya. Bemo tema nanga iku bangati. Na yebina lola nga nasindako. Boka oyon pate azali pole. Boka oyon pate azali pole. Boka oyon pato ezali pole. Manan pate dako nanga yezali. Soke nase kolame. Boka kunan pate ye pole. Boka oyon pate azali pole. Boka tu ezali pe. Dako nanga yezali. Soke nase kolame. Bena ke iku nampate ye pole. Boka oyon pate azali pole. Dans la perfection que se trouve cette ville. Là où Jésus nous a précédés. Un précurseur. Nanga yezali. Soke nasi kolami, na keiku nampate ye pole. Dieu tout puissant, notre Père Céleste. Tu es le soutien des pèlerins et voyageurs. Les temps sont pleins de transitions. Rien sous le soleil n'est certain. Mais tu nous as enrichi par ta parole. Tu as le pouvoir de créer. Par la révélation de ta personne. Jehovah Shama. Jehovah Jé. Jehovah Rapha. Le Dieu qui est ici. Le Dieu qui est pour moi ce besoin. Le Dieu qui guérit toute maladie. Louange. Que nous avons invoqué ce soir. Que nous avons adressé nos prières. Avec assurance d'être exaucé. Et par là nous sommes bénis. Amen. Voici la vie. Parce que susciter une relation profonde entre chaque homme sur son ministère. Et toi, le Dieu vivant, Dieu de son message, Dieu d'Abraham, Dieu de Gédéon, Dieu d'Élie, Dieu des chrétiens, suscite cette relation pour conduire les âmes à la perfection. Et tu donnes une délivrance totale. Pas des demi-prédicateurs, pas des demi-chrétiens, pas des chrétiens par entier, des voyants, Et nous voulons voir devenir de fidèles frères et sœurs en Christ. Oh, Dieu est de grâce. Il me confie chaque âme qui espère en toi. Que tu la fasses progresser. Que tu la fasses avancer. Il donne la croissance. Après une vraie naissance. Et ton esprit. Et guide chacun Seigneur. Et soutiens chacun de nous pour te voir. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse richement.